Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les relations entre Français libres et Britanniques au moment où la Grande-Bretagne de Winston Churchill et d'Anthony Eden choisit d'occuper la Syrie sous le mandat de la France vichyste? Comment le général Spears, devenu le chef de la mission britannique, devient-il un adversaire résolu de Gaulle alors qu'il était son champion au moment du ralliement à Londres? Qu'est-ce qui se joue avec la bataille du Moyen-Orient, s'interroge l'historien Henri Laurence. Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence nous entraîne en pleine Seconde Guerre mondiale au Proche-Orient, dans le cadre de sa série consacrée à l'hégémonie britannique de 1926 à 1956, dans la perspective de son interrogation des crises d'Orient initiées l'an passé. Ce grand récit analyse a fait l'objet d'un premier livre publié chez Fayard sous le titre « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 » en 2017 et le deuxième volume, qui reprend une grande partie de la série de cours de cette année, doit paraître fin février avec comme sous-titre « La naissance du Moyen-Orient 1914-1949 ». Dans le cours précédent, alors que la Grande-Bretagne connaît des heures très difficiles en 1941 et que le Reich ne cesse de pousser son avantage, Henri Laurence a expliqué que le gouvernement de l'amiral Darlan s'est engagé fort imprudemment dans une collaboration militaire avec l'Allemagne nazie sans obtenir de véritable contrepartie. Dès la fin mai, il tente de se dégager des protocoles de Paris, mais il est trop tard pour le Levant. Le passage de l'aviation allemande par la Syrie et la livraison d'armes aux Irakiens en ces heures tragiques font que la présence de Vichy au Proche-Orient ne peut plus être tolérée par les Britanniques. L'historien a aussi expliqué que depuis longtemps De Gaulle et Catroux plaident pour une opération militaire conjointe contre le mandat français, mais les responsables militaires britanniques au Moyen-Orient ne veulent pas en entendre parler en raison de la multitude d'engagements auxquels ils doivent faire face. Churchill, lui, souhaite la liquidation immédiate de la présence vichyste et les militaires doivent s'incliner, note encore Henri Laurence, tandis que les bureaux du Foreign Office veulent ménager les Arabes et les détourner des projets de l'Allemagne nazie. Ils reprennent l'idée d'une fédération ou d'une confédération arabe. Après la question de la Syrie traitée en première partie, en seconde moitié de cours, Henri Laurence pose l'enjeu de l'invasion de l'Union soviétique qui fait apparaître le danger d'une marche allemande sur le Caucase pour s'emparer du pétrole de Bakou, puis prendre à revers les Britanniques du Moyen-Orient. Alors comment l'Iran de Reza Shah, qui avait multiplié les ouvertures à l'Allemagne dans les années 1930, devient-il un problème pour les Britanniques dans ce contexte ? Comment les Américains arrivent-ils massivement dans le monde arabe? Comment Roosevelt manifeste-t-il son anticolonialisme et qu'est-ce que la charte de l'Atlantique? Mais tout de suite, qu'est-ce qui se joue en Syrie en juin-juillet 1941? Et nous gagnons le Collège de France le 5 décembre 2018 pour le cours d'Henri Laurence intitulé « Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956 ». Aujourd'hui, la bataille du Moyen-Orient. Donc la dernière fois, dans ces heures les plus tragiques, les plus difficiles, les Britanniques sont pris un peu dans une lutte de pouvoir, puisque d'un côté, Churchill rêve d'un grand projet de fédération arabe dans lequel on mettrait des sionistes et Ben Sherwood, et il se heurte à l'opposition d'Anthony Eden au Foreign Office, qui lui veut bien d'une fédération arabe, mais sans Ibn Saoud et sans les sionistes. Là, ce qui va se passer, c'est qu'Anthony Eden, le 29 mai, 1941, va faire une déclaration publique à Mansion House à Londres, donc il marque que l'intervention militaire en Irak ne devrait pas porter tort à l'amitié entre la Grande-Bretagne et les Arabes, et il exprime sa sympathie pour les aspirations de la Syrie à l'indépendance. Donc jusque-là, c'était du classique, mais il ajoute, je cite, « Le monde arabe a fait de grands pas depuis le rétablissement de sa force réalisée à la fin de la dernière guerre, et beaucoup de penseurs arabes désirent pour leur peuple un plus haut degré d'unité que celui qu'il a acquis à présent. Pour arriver à cette unité, ils espèrent avoir notre aide. Aucun appel semblable venant de nos amis ne pourrait rester sans réponse. Il me semble à la fois naturel et équitable que non seulement des liens culturels et économiques, mais je le dis aussi, des liens politiques soient renforcés. Le gouvernement de Sa Majesté, pour sa part, donnera l'appui le plus complet à tout plan qui recevra une approbation générale. » Donc c'est le fameux discours de Mansion House qui passe presque inaperçu à l'époque, hein, parce qu'il faut bien comprendre, il ne s'agit pas de refaire quelque chose au moment où tout le monde se demande qui va gagner la guerre. En revanche, on évite de peu la crise politique à Londres, puisque Churchill n'avait pas été prévenu du contenu du discours d'Eden. Mais s'il avait demandé la démission d'Eden, c'était son gouvernement qui chutait. Et on dit que de toute façon, on donne la priorité à l'affaire syrienne. Et Churchill et Eden sont d'accord pour considérer qu'en cas d'échec des Français libres dans une invasion de la Syrie, il faudrait une intervention militaire des Turcs en Syrie au risque de voir la Syrie du Nord et Alep se trouver occupées par ces derniers. Donc on propose à la Turquie de participer à l'invasion de la Syrie, mais très poliment, la Turquie reste sur sa position de neutralité et décline la proposition britannique. Donc, une fois la décision prise d'occuper la Syrie, un corps expéditionnaire est formé de 18 000 soldats australiens, 9 000 britanniques des îles britanniques, 2 000 alliés divers et 5 000 Français libres. Ces derniers sont tous des volontaires, puisque l'engagement dans la France libre permettait de refuser à participer à un combat fratricide. Alors, il y a eu juste un cas d'un seul Français qui a d'abord refusé puis ensuite accepté de participer à la guerre civile en Syrie. Il s'ajoute des éléments de la milice sioniste de la Haganah. La préparation de l'opération est déjà marquée par un affrontement entre De Gaulle et les Britanniques. Il avait été convenu avec Cattrou que la France libre devrait proclamer le principe de l'indépendance. Les Britanniques proposent une déclaration conjointe, ce que De Gaulle refuse avec fermeté. Dans l'affaire se pose aussi bien le statut de la France libre, est-ce qu'elle représente la France dans sa totalité, que les arrière-pensées britanniques. Churchill peut ainsi se poser la question de savoir si le mandat français est encore valide, avec la fameuse raison que la France s'est retirée de la SDN. Et si ce dit mandat, comme s'il n'appartenait pas... Comme c'est un mandat de la Société des Nations, il n'est pas couvert par l'engagement britannique de défendre l'intégrité de l'Empire colonial français, puisqu'il ne fait pas partie de l'Empire colonial français. Vous savez que les juristes, on trouve toujours quelque chose. De même, on se querelle pour savoir si Cattrou peut prendre ou non le titre de haut-commissaire. L'accord se fait sur le titre de délégué général et ministre plénipotentiaire. Du côté britannique, celui qui va jouer un rôle important pour le reste de cette histoire est le général Edward Spears. Militaire de formation, né en France, parfait francophone, il a servi comme officier de liaison au plus haut niveau durant la Grande Guerre, avec des relations cordiales avec les plus grands responsables français, comme le général Pétain. Et dans la même période de la Grande Guerre, il était devenu un ami personnel de Churchill. Durant l'entre-deux-guerres, Spears a mené une double carrière de député aux communes, avec la réputation d'être un zélé francophile et d'homme d'affaires. Il était surnommé à la Chambre des communes l'honorable représentant de la circonscription de Paris. Tellement il était connu comme francophile. Il reprend du service au début de la Seconde Guerre mondiale, Et Churchill l'a désigné comme chargé de liaison entre le gouvernement français et le gouvernement britannique. Et comme vous le savez, c'est lui qui a ramené De Gaulle à Londres le 17 juin 1940. Dès lors, il est chargé de la coordination entre la France libre et le gouvernement britannique. Durant les préparatifs de l'expédition de Syrie, les relations ont commencé à se tendre entre les deux hommes. Et c'est à Spears qu'on doit la fameuse expression dans une lettre à Churchill que la croix que les chefs de l'opération en Syrie ont apportée est la croix de Lorraine. D'où qu'on ensuite on a dit que c'est Churchill qui avait dit que tout homme devait porter sa croix, lui devait porter la croix de Lorraine. Mais c'est donc Spears l'auteur de ce mot. Tout l'enjeu porte sur le facteur arabe. Spears ne veut pas compromettre l'influence britannique auprès des Arabes en apportant un soutien au rétablissement de la France au Levant. Cette position bien connue est interprétée de l'autre côté comme la volonté de chasser les Français de la région. De l'autre côté, les troupes de Vichy représentent 50 000 hommes, dont 12 000 métropolitains, 20 000 coloniaux, des Nord-Africains et des Sénégalais, et 17 000 Syriens et Libanais, les forces spéciales du Levant. L'assaut est lancé le 8 juin 1941 sur trois axes principaux, la route littorale vers Beyrouth, l'accès à la plaine de la Bekaa et la route de Damas par le Golan. Les combats sont extrêmement violents, les vichistes voyant dans les Britanniques des envahisseurs et dans les Français libres des traîtres. Alors pensez à ces pauvres tirailleurs sénégalais qui se battaient sur le Golan, il y avait des Sénégalais bufichistes et des Sénégalais gaullistes. Et ils se battaient au corps à corps sur le Golan. Pourtant, l'Allemagne nazie refuse de garantir au gouvernement de Vichy le maintien de la France au Levant, ceci pour satisfaire les demandes italiennes et concilier les nationalistes arabes. Les forces dites anglo-gaullistes progressent jusqu'au 13 juin. Dans une seconde phase, elles sont arrêtées par de fortes contre-attaques des troupes vichistes. Le 8 juin, Catroux énonce la fin du mandat dans une proclamation qui est ensuite confirmée par une déclaration britannique, mais qui n'est pas une déclaration conjointe. Syriens et Libanais, à l'heure où les forces de la France libre unies aux forces de l'Empire britannique son allié pénètrent sur votre territoire, je déclare assumer les pouvoirs, les responsabilités et les devoirs du représentant de la France au Levant. Si, au nom de la France libre, qui s'identifie avec la France traditionnelle et authentique, et au nom de son chef, le général de Gaulle. En cette qualité, je viens mettre un terme au régime du mandat et vous proclamer libre et indépendant. Vous serez donc désormais des peuples souverains et indépendants et vous pourrez soit vous constituer en état distinct, soit vous rassembler en un seul état. Dans les deux hypothèses, votre statut d'indépendance et de souveraineté sera garanti par un traité où seront définis nos rapports principaux. Toujours là, l'idée de revenir au traité de 1936. Ce traité sera négocié dès que possible entre vos représentants et moi. En attendant sa conclusion, notre situation mutuelle sera celle d'alliés étroitement unis dans la poursuite d'un idéal et de buts communs. Syriens et Libanais, vous jugerez par cette déclaration que si les forces françaises libres et les forces britanniques franchissent vos frontières, ce n'est pas pour opprimer votre liberté, c'est pour l'assurer. C'est pour empêcher que le Levant devienne contre les Britanniques et contre nous une base offensive de l'ennemi. Nous ne pouvons nous permettre, nous qui combattons pour la liberté des peuples, que, submergeant peu à peu votre pays, les ennemis puissent s'emparer de vos personnes et de vos biens et faire de vous des esclaves. Nous ne permettrons pas que des populations que la France a promis de défendre soient jetées entre les mains du maître le plus impitoyable que l'histoire ait connu. Nous ne permettrons pas que les intérêts séculaires de la France au Levant soient livrés à l'ennemi. Syriens et Libanais, si répondant à mon appel, vous vous ralliez à nous, vous devez savoir que le gouvernement britannique, d'accord avec la France libre, s'est engagé à vous consentir tous les avantages dont jouissent les pays libres qui leur sont associés. C'est ainsi que le blocus sera levé et que vous entrerez sur le champ en relation avec le bloc de la livre sterling. Là, vous savez, c'est l'importance des blocs monétaires que j'ai évoqués les semaines précédentes. Ce qui ouvrira plus large possibilité à votre commerce d'importation et d'exportation. Vos échanges en vente avec tous les pays libres se feront librement. Syriens et Libanais, la France vous déclare indépendant par la voix de ceux de ses fils qui combattent pour sa vie et pour la liberté du monde. Sa perspective, donc, c'est renouveler les traités, enfin refaire des traités sur la base analogue à ceux de 36. Dans l'intervalle, la France libre devrait conserver la totalité des pouvoirs administratifs dans le pays. Le 18 juin, une opération militaire audacieuse permet aux envahisseurs d'arriver à Mézé, à proximité de Damas. Puis la route Beyrouth-Damas est coupée au niveau du Barada. Pour ceux qui connaissent la Syrie, ils voient très bien où c'est. Le 21 juin, Damas capitule, alors que le lendemain, les troupes britanniques d'Irak ouvrent un nouveau front en Jésirée et se battent en particulier contre les hommes de Kaoudji. Ce dernier est grièvement blessé par un bombardement aérien britannique. Alors, si on en croit les mémoires de Benoît Méchain, donc l'émissaire de Vichy dans la région, Méchain lui a accordé la Légion d'honneur sur son lit d'hôpital. En tout cas, Kaoudji va être rapatrié sanitaire en Allemagne par un avion allemand, ce qui sera le premier à quitter la Syrie en quelque sorte. Les représentants de Vichy demandent par le biais du consul général des États-Unis à Beyrouth les conditions d'une reddition. De Gaulle exige qu'en contrepartie d'une évacuation sur la métropole, les Français libres soient reconnus comme partie prenante et le droit de s'adresser aux gens de l'autre camp pour leur demander de se rallier à la France libre. Les Britanniques du Moyen-Orient acceptent, mais Londres n'en tient pas compte. Le 23 juin, De Gaulle est à Damas, comme il l'écrit dans les mémoires de guerre. Le 24 juin, je nommais le général Catroux délégué général et plénipotentiaire au Levant et lui fixais par lettre l'objet de sa mission, diriger le rétablissement d'une situation intérieure et économique aussi proche de la normale que le permettrait la guerre, négocier avec les représentants qualifiés des populations des traités instituant l'indépendance et la souveraineté des États, ainsi que l'alliance de ces États avec la France, assurer la défense du territoire contre l'ennemi, coopérer avec les alliés aux opérations de guerre en Orient. Et donc je donne les pleins pouvoirs au général Catroux pour les négociations à mener. Alors le gouvernement de Vichy lui a envoyé un représentant en Syrie, c'est Jacques-Benoît Méchain qui passe par Ankara pour obtenir le passage de renforts français par la Turquie pour aller en Syrie. Mais là encore, Ankara refuse au nom de sa neutralité. D'autant plus qu'il vient de signer avec l'Union soviétique un traité de non-agression, non avec l'Allemagne, pardon, le 18 juin 1941. Donc, rien de concret. De toute façon, tout va être bouleversé le 22 juin 1941, puisque vous le savez tous ici, c'est le début de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. La Grande-Bretagne n'est plus seule à se battre. Parallèlement, Churchill en a assez de la confusion des pouvoirs civils et militaires au Proche-Orient, comme vient de le démontrer le discours d'Eden. Il crée le poste de ministre d'État, membre du cabinet de guerre et résident pour le Moyen-Orient, basé au Caire. Son premier titulaire est Oliver Lyttelton, futur Lord Chandos, qui est donc ministre résident pour le Moyen-Orient au Caire. Pendant ce temps-là, la contre-attaque britannique contre l'Afrika Korps, engagée le 15 juin 1941, échoue. Le 22 juin, date symbolique, puisque enfin, c'était pas prévu comme ça, puisque c'est un des jours de Barbarossa, Wavell a été relevé de son commandement au Moyen-Orient pour permettre, avec le général Auchinleck, qui commandait l'armée de l'Inde. Donc Wavell passe en Inde et Auchinleck le remplace au Moyen-Orient. La permutation sera effective au début de juillet. Dans l'immédiat, les Britanniques ont besoin désespérément de tenir face à Rommel, donc de liquider le plus tôt possible la situation en Syrie, d'où l'acceptation d'un armistice à Saint-Jean-d'Acre le 14 juillet 41 en l'absence de la France libre. Vichy préfère céder la Syrie et le Liban à la Grande-Bretagne plutôt qu'à De Gaulle. De Gaulle, qui est à Brazzaville, revient au Caire et entame un bras de fer avec Lyttelton, menaçant d'aller jusqu'à la rupture diplomatique avec la Grande-Bretagne. Un peu plus, il aurait déclaré la guerre. Alors, il avait un avantage, hein, c'est que les réseaux de territoires qui étaient sous le contrôle de la France libre en 1941, en Afrique, étaient les seuls territoires qui permettaient de basculer de la côte atlantique de l'Afrique à la côte de l'océan Indien, et donc d'accéder à la mer Rouge. Sinon, la route passait par le Cap. Et donc, cette route était d'abord une route aérienne qui permettait aux Britanniques d'envoyer de l'aviation en renfort au Moyen-Orient sans passer par le Cap. Et donc, c'était la seule carte dont disposait De Gaulle au printemps 1941. Alors, les Britanniques sont contraints de céder sur toute la ligne, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. Sur le terrain, les Britanniques laissent toute latitude aux vichistes de saboter leur armement plutôt que de laisser à leurs compatriotes. Très peu se rallieront à la France libre. Cette affaire laissera beaucoup d'amertume, dont on a encore des traces jusqu'à aujourd'hui. Je connais des enfants ou des petits-enfants d'officiers français de l'armée de Vichy qui reprochent encore la guerre civile française de 1941 au Levant. Alors, Lyttelton reconnaît que les intérêts historiques de la France au Levant et que les intérêts de la Grande-Bretagne sont strictement limités à gagner la guerre, win the war. Pas d'intention d'impiéter d'aucune façon sur les positions de la France dans cette région. Les troupes de Vichy seront évacuées à la mi-septembre 1941 vers la France. Sur les 32 380 militaires concernés, 5848 optèrent pour la France libre, dont 99 officiers, 947 sous-officiers et soldats européens, les autres étant des soldats coloniaux. Alors, les effectifs au Levant sont restés squelettiques. Quatreau ne dispose que de 214 fonctionnaires de tout rang. Maxime Brodasson, qui avait vécu les événements sur place, m'avait raconté que ça avait été une foire d'empoigne. Les représentants de Vichy et les représentants de Gaulle faisaient la tour de tous les fonctionnaires en disant « Si vous restez avec nous, vous avez 2 degrés d'avancement, etc. » Donc, c'était presque des enchères. Mais la majorité a préféré rentrer en France. Le général Buis, futur général Buis, capitaine Buis à l'époque, qui était le chef de cabinet de Quatreau, m'avait raconté jadis que sa principale mission était d'arriver avant les Britanniques au siège du Haut-Commissariat à Beyrouth, parce qu'il connaissait le système administratif français. Et donc, il était arrivé 20 minutes avant les Anglais au cabinet du Haut-Commissaire, et donc il a commencé par téléphone à donner des ordres à l'administration, qui s'est remise à fonctionner. Et donc, les Anglais sont arrivés un quart d'heure après, mais c'était trop tard, l'administration était repassée sous le contrôle de la France. Il en rigolait encore 30 ans après, mais ça vous donne aussi l'ambiance de l'époque. Alors, Quatreau renouvelle la déclaration d'indépendance, mais il n'est pas possible, en raison de l'état de guerre, de procéder à des élections, et s'il n'y a pas d'élections, il ne peut pas avoir de gouvernement représentatif, et s'il n'y a pas de gouvernement représentatif, il ne peut pas y avoir de négociation de traité. Vous avez le rationnement tout à fait rationnel des Français. Alors là, on joue maintenant à jeu renversé. Les Britanniques disaient que la France libre ne représentait pas la totalité de la France, mais du coup, la France libre dit que s'il ne représente pas la totalité de la France, elle ne peut pas céder la Syrie. Donc, ils jouent à position renversée dans le jeu diplomatique. Le conflit prend une dimension personnelle quand Spears prend la fonction de chef de la mission britannique dans les États du Levant. Il s'est converti à la thèse des arabistes britanniques pour qui tous les malheurs viennent de la création du mandat français. Il est devenu l'adversaire résolu de De Gaulle, dont il avait été jadis le champion. Dans sa correspondance avec Londres, il va jusqu'à mettre en doute la santé mentale du général. Et là, maintenant, nous sommes dans la bataille du Moyen-Orient. Ladies and gentlemen, I give you a toast, ladies and gentlemen. May this fair land we love so well, in dignity and freedom dwell. The worlds may change and go awry, while there is still one voice to cry. There'll always be an England, while there's a country lane. Wherever there's a cottage small, beside a field of grain, there'll always be an England, while there's a busy street. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, Les Crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui la bataille du Moyen-Orient. Si l'on prend la définition militaire britannique du Moyen-Orient, il comprend tous les pays riverains de la Méditerranée orientale. À un moment, l'Irak s'est retrouvé dépendre militairement de l'Inde, mais administrativement est resté dans le champ de compétence du ministre résident, Lyttelton, au Caire. En cas d'attaque allemande dans cette région, l'Irak doit repasser au commandement militaire du Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient a en quelque sorte une double nature, celle d'un enjeu militaire dans la guerre en cours et celle de l'espace de soutien de l'armée qui se bat dans le désert occidental, qui prend le nom en septembre 1941 de 8e armée britannique. Quant aux troupes stationnant en Syrie, elles constituent le noyau d'une 9e armée britannique à constituer au cas où les forces allemandes se rapproche du Caucase. Du point de vue militaire, la menace essentielle vient toujours du désert occidental, mais l'invasion de l'Union soviétique fait apparaître le danger d'une marche allemande sur le Caucase pour s'emparer du pétrole de Bakou, puis ensuite prendre à revers les Britanniques au Moyen-Orient. Dans l'immédiat, le problème majeur est l'Iran. Le régime de Reza Shah avait multiplié les ouvertures à l'Allemagne dans les années 1930, ne serait-ce que pour desserrer l'emprise économique de la Grande-Bretagne. Les événements d'Irak avaient conduit à la fuite des nationalistes arabes radicaux en Iran. Par ailleurs, le pétrole iranien et la raffinerie d'Abadan étaient considérés comme vitales pour l'effort de guerre. Barbarossa fait de l'Iran la voie d'accès la plus commode pour l'Union soviétique. Britanniques et soviétiques s'entendent pour exiger par une note commune le 17 août 1941 l'expulsion des Allemands d'Iran et la cessation de toute action hostile. Comme Reza Shah tente d'intermoyer, Wavell, qui est maintenant commandant des troupes britanniques de l'Inde, fait occuper les régions pétrolières le long du Shatt al-Arab. À partir du 25 août, les soviétiques pénètrent de leur côté dans le nord du pays, et la résistance iranienne s'effondre rapidement, d'autant plus que beaucoup de cadres militaires sont favorables aux Britanniques. Des négociations sont ouvertes au début de septembre, mais Reza Shah refuse de livrer les ressortissants des puissances de l'Axe et organise leur fuite vers la Turquie. Le 16 septembre, l'armée rouge entre à Téhéran. Reza Shah doit abdiquer au profit de son fils Mohamed Reza, âgé de 21 ans. Le premier Pahlavi est exilé et mourra le 26 juillet 1944 en Afrique du Sud. Le statut de l'Iran occupé reste ambigu. D'une part, les alliés prennent le contrôle du réseau de communication nord-sud et divisent comme avant 14 le pays en deux zones, le nord soviétique, le sud britannique. D'autre part, ils garantissent l'intégrité territoriale du pays, assure que l'évacuation aura lieu dans les 6 mois qui suivent la fin du conflit et laisse le gouvernement du Shah gérer les affaires civiles et militaires. Mohamed Reza se pose en monarque constitutionnel tandis que les notables profitent du régime parlementaire pour reprendre le pouvoir qu'ils avaient dû abandonner sous son père. Leur contrôle des campagnes leur assure celui du Parlement et par-delà de la fonction publique. Logiquement, le jeune Shah ne peut concentrer ses efforts que sur la seule institution qui lui reste, c'est-à-dire l'armée. Si l'invasion de l'Iran fait émerger une surprenante collusion soviéto-britannique, un nouvel acteur commence à son tour à être happé par les affaires du Moyen-Orient. L'isolationnisme dominait dans l'opinion publique américaine et avait forcé l'administration Roosevelt à maintenir une attitude de neutralité. Au début des conflits, les politiques franco-britanniques de dirigisme économique liées à l'effort de guerre ont suscité des protestations américaines. Mais l'effondrement de la France et l'entrée en guerre de l'Italie modifient les données. La diplomatie américaine soutient la cause britannique auprès du gouvernement irakien et auprès des autorités mandataires françaises. Elle approuve l'attaque dite anglo-gaulliste, faisant savoir que Washington ne comprenait pas la résistance d'un Vichy qui a cédé si facilement aux demandes allemandes. En revanche, tout en exprimant sa sympathie pour la cause des indépendances syriennes et libanaises, l'administration Roosevelt rappelle que les droits capitulaires américains n'ont été que suspendus et que le règlement de cette question doit être un préalable à l'accession à l'indépendance. Le soutien américain n'est pas que politique. C'est la fameuse loi Pretby, le Land-Lease, du 11 mars 1941, qui permet de vendre, transférer la possession, échanger, émettre un bail, prêter ou disposer autrement de tout objet de défense envers un pays allié, Grande-Bretagne et Dominion. Le principal front où se battent les forces britanniques étant le Moyen-Orient, les Américains, prenant en compte la liquidation de l'Empire italien dans la Corne de l'Afrique, déclarent le 11 avril 1941 que la mer Rouge n'est plus une zone de combat, ce qui permet aux navires de commerce américains d'accéder aux ports égyptiens de la mer Rouge. Ils sont rapidement saturés de marchandises de guerre américaines. En octobre 1941, le prêt de bail est accordé à l'Union soviétique. La voie d'accès la plus sûre est l'Iran. Dès la fin de novembre 1941, les premiers éléments américains arrivent en Irak pour établir ce qu'on va appeler durant la Seconde Guerre mondiale le corridor persan. Pour soulager Basra, un second port établi en Irak à Umm Qasr, Koweït devient le lieu d'assemblement des barges. En 1942, plus de 20 000 Américains sont engagés dans la gestion du corridor persan, qui devient en septembre 1942 le Persian Gulf Service Command Trusteeship, puis en décembre 1943, tout simplement, c'est plus simple, le Persian Gulf Command, tout court. Alors, pour les Américains engagés en Iran durant la Seconde Guerre mondiale, ils s'appelleront entre eux le commandement oublié, parce qu'il y a tout un commandement militaire qu'on ne citait jamais durant la guerre, c'était ce commandement du Golfe où les milliers d'Américains étaient engagés. Alors, ce que je voulais montrer, c'était l'épaulette des Américains engagés là, qui étaient totalement orientalistes, puisque les épaulettes portaient un sabre court représentant l'Iran, une étoile blanche l'Irak, un fond vert l'islam, etc. Et donc, pour la première fois, vous avez l'arrivée massive des Américains dans le monde arabe, et vous le notez tout de suite, ils arrivent par le Golfe. Une véritable industrie d'assemblage de camions et d'avions est constituée en Irak et en Iran. Sur la durée de la guerre, la production atteindra près de 200 000 véhicules et 5 000 avions montés localement. Il faut comprendre, ils arrivent en pièces détachées sur les cargos, les Américains les montent en Irak, au Koweït, etc. Et puis ça part ensuite par le corridor persan jusqu'à l'Union soviétique. Alors, l'une des astuces, c'est que les Américains vont mettre le paquet sur les camions. Parce que vous les montez dans le Golfe, et vous les faites partir sur le corridor persan, et puis vous cédez les clés aux Soviétiques à la frontière. Et toute la logistique de l'armée rouge à partir de 1942 sera assurée par les camions américains. Et c'est donc le fait que ce corridor persan est absolument vital pour la suite de la guerre. Alors, il faut bien comprendre que là, on est dans la logistique, mais que, évidemment, la Seconde Guerre est aussi une guerre idéologique. Roosevelt est critique depuis longtemps du colonialisme européen. Il considère que les puissances européennes sont de mauvaises gestionnaires de leurs empires et qu'elles exploitent les populations indigènes qui sont ainsi condamnées à la misère. Avec beaucoup d'illusions sur son propre pays, Roosevelt oppose le bon modèle des Américains aux Philippines, qui ont établi un self-government, et ont promis l'indépendance pour 1946. Bien entendu, dans cette période de transition, les États-Unis conservent le contrôle de la politique étrangère et ont droit de veto sur un certain nombre de décisions du gouvernement. Pour Roosevelt, les empires coloniaux doivent être remplacés par des tutelles, trusteeships, ce qui semble être une version des mandats avec un contrôle international renforcé. L'hostilité au colonialisme s'est renforcée avec l'expérience de la division du monde en blocs économiques lors de la crise des années 30. Et beaucoup d'experts économiques, y compris les experts de la Société des Nations, ont considéré qu'une des grandes causes de la Seconde Guerre mondiale était le problème d'accès aux matières premières, qui faisait que certaines puissances avaient accès aux matières premières parce qu'ils avaient des empires coloniaux, tandis que d'autres n'y avaient plus accès parce qu'ils n'avaient plus de change. Vous vous rappelez cet effondrement monétaire de la crise de change de la Grande Dépression. L'internationalisation des colonies assurera l'égalité de tous au marché et aux productions des territoires en question. En Iran, la coexistence des missions américaines et britanniques a inévitablement tourné en compétition. Avec la supériorité en moyens, les Américains tendent à considérer les actions britanniques comme autant de signes d'acharnement de vouloir maintenir leur empire en voie inexorable de démantèlement. Roosevelt ira jusqu'à dire en 1944 que l'action américaine, elle est désintéressée, une selfish, et en plus ne coûte pas trop cher. Que le gouvernement iranien n'ait pas été consulté sur l'établissement du corridor persan ne lui vient même pas à l'esprit quand il s'agit de parler du bon comportement américain. De plus, les 30 000 soldats américains finalement engagés dans le commandement, c'est-à-dire dans une région où le climat est rude et la vie matérielle est difficile, ont une tendance certaine à se défouler dans les villes. Leur comportement choque profondément une société iranienne très conservatrice, tandis que l'absence de statut juridique rend compliqué le règlement des multiples incidents qu'ils provoquent. Les soviétiques réussissent mieux à maintenir de la discipline dans leur secteur d'occupation. Il semble qu'au moins dans un moment, Roosevelt ait envisagé de faire de l'Iran un État qui était pourtant indépendant et membre de la SDN, un trusteeship pour l'après-guerre. Il aurait évoqué cela auprès de Staline sans en informer les Britanniques. Il pensait apparemment à une tutelle du réseau de chemin de fer et à un port franc sur le Golfe, ce qui était dans la ligne des ambitions russes vers un accès des mers chaudes. Mais comme dans tous les autres dossiers de trusteeship, Roosevelt n'a eu le temps que d'envisager cette solution dont l'actualité était liée à celle de l'après-guerre. La question du sort de l'Empire britannique est ainsi à la fois prise en termes de géopolitique militaire et en termes de vision politique. Le premier grand moment du débat a été la conférence dite de l'Atlantique, à l'époque où les États-Unis ne sont pas encore en guerre, du 9 au 12 août 1941, sur un navire de guerre au large de Terre-Neuve. With no loss of time, Mr. Churchill, with Lord Beaverbrook, sets out to greet the President aboard the American ship. It is to be a simple meeting of political heads of two greatest democracies. Not a pompous affair like the meetings of Hitler and his lackey Mussolini at the Brenner Pass. In a few seconds, you will see history in the making. A British Prime Minister meeting an American President aboard a United States ship in the Atlantic. As Mr. Churchill steps aboard, he is welcomed by officers of the American Navy. On meeting Mr. Roosevelt, Mr. Churchill's first act is to hand him a letter from the King. Back aboard the Prince of Wales, sailors of both navies are busy with hundreds of tuck boxes. A present from the President himself to every man in the ship's company. This meeting between Mr. Winston Churchill and Mr. Franklin D. Roosevelt brings home forcefully to us how these two powerful personalities are, by the will of their respective countrymen, invested with a decisive part in the molding of human destiny. The shape of things to come is in their hands. In the course of their conferences, President and Prime Minister drew up a declaration of the joint peace aims of Great Britain and the United States, the main points of which are that all men shall be enabled to live in freedom from fear and want, and that aggressor nations shall be disarmed. Roosevelt rencontrant Churchill sur le cuirassé, comme vous savez que Roosevelt était handicapé et qu'il refusait qu'on le montre comme tel, c'est son fils qui le tient de bas lors de la montée sur le cuirassé américain, et Churchill lui transmet une lettre du roi George VI. Les questions principalement traitées ont porté sur l'aide américaine, en particulier la logistique. Néanmoins, Roosevelt a fait savoir qu'il ne pourrait y avoir une nouvelle diplomatie secrète, comme durant la Grande Guerre, où on a engagé le sort des peuples sans aucune consultation. Il s'ensuit une discussion pour aboutir à une déclaration qui prendra la forme d'un simple communiqué de presse. Comme il faut l'approbation du cabinet britannique, cette déclaration ne sera publiée que le 14 août 1941 et entrera dans l'histoire sous le nom de Charte de l'Atlantique. Le président des États-Unis, M. Churchill, premier ministre représentant un, s'étant réunis, croient devoir faire connaître certains principes communs de la politique nationale de leurs pays respectifs sur lesquels ils fondent leur espoir d'un avenir meilleur pour le monde. Premièrement, leur pays ne recherche aucune expansion territoriale ou autre. Deuxièmement, ils ne désirent voir aucune modification territoriale qui ne soit conforme aux désirs librement exprimés des populations intéressées. Troisièmement, ils respectent le droit qu'ont tous les peuples de choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils entendent vivre, et ils désirent voir restituer à ceux qui en ont été privés par la force leur droit souverain. Quatrièmement, ils s'efforceront, tout en respectant comme il se doit leurs obligations existantes, d'assurer sur un pied d'égalité à tous les États, grands et petits, vainqueurs ou vaincus, l'accès et la participation dans le monde entier au commerce et aux matières premières indispensables à leur prospérité économique. Cinquièmement, ils désirent faire en sorte que se réalise dans le domaine économique la plus entière collaboration entre toutes les nations, afin d'assurer à tous de meilleures conditions de travail, le progrès économique et la sécurité sociale. Sixièmement, une fois définitivement détruite la tyrannie nazie, ils espèrent voir s'établir une paix qui offrira à toutes les nations les moyens de demeurer en sécurité à l'intérieur de leurs propres frontières et qui assurera à tous les êtres humains de tous les pays la possibilité de vivre durant toute leur existence à l'abri de la crainte et du besoin. Septièmement, une telle paix doit permettre à tous les hommes de parcourir sans entrave les mers et les océans. Huitièmement, ils sont convaincus que toutes les nations du monde, pour des motifs aussi bien réalistes que spirituels, devront finir par renoncer à l'usage de la violence. Comprenez bien que c'est un texte fondamental, la Charte de l'Atlantique, parce qu'elle annonce sur l'avenir. Bon, à la fois, évidemment, elle est à reprise des 14 points du président Wilson du début 1918. Donc, quel est le renouvellement de la promesse du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Mais si vous la lisez correctement, vous voyez dans la Charte de l'Atlantique à la fois l'État-providence, la mondialisation et l'abaissement des barrières de commerce. Tout le reste du XXe siècle est contenu potentiellement dans la Charte de l'Atlantique, qui sera ensuite renouvelée par toute une série de déclarations successives. Mais c'est là aussi où on va naître les Nations Unies, etc. C'est donc évidemment un texte fondamental parce que c'est le premier. Alors la controverse immédiate, c'est savoir si les peuples en question sont seulement les peuples européens soumis à la tyrannie nazie ou s'ils concernent la totalité des peuples, y compris ceux inclus dans les empires coloniaux. Churchill est le premier à souligner que les peuples d'Afrique n'ont pas à choisir un vote à la majorité la forme de gouvernement sur laquelle ils auront à vivre, et il prendra de nombreuses fois l'exemple de la Palestine. Si on accepte le droit des peuples et le vote majoritaire, les Arabes pourront chasser les Juifs ou en tout cas interdire toute nouvelle immigration juive. À l'automne 41, la menace se précise. Odessa, le principal port de l'Union soviétique en mer Noire, tombe aux mains des Allemands le 16 octobre. Churchill presse Auchinleck à prendre l'offensive contre Rommel. Après tout, les hommes et le matériel suffisants affluent maintenant de façon continue au Moyen-Orient. Mais le général tergiverse, considérant que certains matériels sont défectueux et que les hommes manquent d'entraînement. Le 20 octobre, les Allemands sont à 100 km de Moscou. Le 18 novembre, la 8e armée britannique lance son offensive en Libye. Les combats sont violents et un certain nombre de succès sont enregistrés, mais la grande ambition de chasser les forces de l'Axe d'Afrique doit être abandonnée. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, suivie de la déclaration de guerre de l'Allemagne aux États-Unis, bouleverse toutes les données. La Grande-Bretagne a désormais deux puissants alliés, mais l'un est pris dans la bataille de Moscou et l'autre dans la guerre du Pacifique. À l'issue des entretiens entre Churchill et Roosevelt et après consultation de Staline, dans le souci d'éviter le terme de « nations associées » qui aurait trop rappelé la Première Guerre mondiale, la coalition contre les puissances de l'Axe prend le nom de « Nations unies ». Le terme est officialisé par une déclaration signée par 26 gouvernements les 1er et 2 janvier 1942. Et vous comprenez que l'Organisation des Nations Unies n'est que la succession de la coalition victorieuse de la Seconde Guerre mondiale. Si l'offensive britannique se poursuit en Libye, la conséquence de Pearl Harbor est de détourner du Moyen-Orient les renforts qui sont maintenant envoyés dans le Pacifique. La victoire russe devant Moscou et l'hiver mettent fin au moins un temps à la menace sur le Caucase. Pour pouvoir permettre à l'armée de l'Inde de se consacrer à la guerre contre le Japon, l'Irak repasse au commandement du Moyen-Orient. Les troupes qui y stationnent deviennent la 10e armée britannique. Au début de 1942, les Britanniques contrôlent la Cyrénaïque, mais selon la règle habituelle, les difficultés logistiques s'accroissent avec la distance toujours plus grande par rapport aux entrepôts. C'est d'ailleurs pour éviter d'être pris dans les pièges du yo-yo que les Britanniques et leurs troupes alliées mettent en place maintenant des réseaux fortifiés, des positions fortifiées qui permettent de bloquer une éventuelle contre-offensive de l'ennemi. Ce sont des espèces de boîtes qui sont ainsi formées à intervalles réguliers dans le désert. Le 21 janvier 1942, Rommel lance une attaque surprise qui prend les Britanniques au dépourvu. Le 6 février, Rommel a repris la Cyrénaïque occidentale avec Benghazi. En avant de Tobrouk, les Britanniques tentent de transformer la guerre, donc en constituant des positions défensives avec champs de mines, artillerie et blindés. Le 26 mai 1942, Rommel reprend l'offensive et se heurte au dispositif britannique. Il entame un mouvement tournant vers le sud, ayant pour but d'encercler la 8e armée et se heurte à la position de Bir Hakeim, tenue par les Français libres, qui tiennent jusqu'au 11 juin avant d'être évacués. Ils ont joué leur rôle puisque la résistance des Français libres à Bir Hakeim a permis aux Britanniques de se retirer et de ne pas être encerclés. Mais la défaite britannique la plus lourde, c'est la perte de Tobrouk le 21 juin 1942. Après avoir repoussé les Allemands devant Moscou, Staline peut croire qu'il est dans la capacité de mener prochainement une bataille d'anéantissement de l'armée ennemie. Il envisage déjà la nature des règlements politiques de l'après-guerre, qui en fait très très loin dans sa perspective de celle de la Charte de l'Atlantique. Il s'en ouvre à Anthony Eden, venu à Moscou, à la mi-décembre 1941, c'est Noël. Hein. L'Union soviétique veut la reconnaissance des conquêtes territoriales faites à la suite du pacte germano-soviétique. La Pologne serait compensée par des territoires allemands. La Turquie pourrait se voir récompensée pour sa neutralité en recevant le Dodécanèse, possédé par les Italiens, des territoires bulgares ou même une portion de la Syrie. Eden s'en tient à la nécessité d'en référer à son gouvernement, qui ne répondra que par des généralités en avril 1942. À ce moment-là, Staline doit faire face à une nouvelle offensive allemande et marque que la question des frontières futures sera tout simplement réglée par la force. C'est-à-dire, en clair, opposition que ces militaires tiendront à la fin des hostilités. Alors, revenons maintenant sur le nationalisme arabe et la guerre, parce que c'est une source de polémique permanente. En Égypte, la révolte irakienne a été une cause plutôt populaire chez les élites. L'arrivée des réfugiés des Balkans et la multiplication des armées étrangères, parce que maintenant, vous avez des troupes polonaises, serbes, grecques, etc., qui stationnent en Égypte. C'est très bien décrit dans le roman de Tsirkas, Cité à la dérive, ces présences de multiples troupes alliées en Égypte. Donc ces présences étrangères exaspèrent le sentiment national. Les soldats, en particulier les anglo-saxons, se comportent avec rudesse et mépris envers la population égyptienne. Les Australiens ont particulièrement mauvaise réputation. Ça, on le voit très bien dans le film de Youssef Chahine, Alexandrie, pourquoi ? Iskandere Alley. On voit justement la haine que les Égyptiens ont pour les Australiens. L'arrêt de la circulation des marchandises et des produits alimentaires en Méditerranée provoque de nombreuses pénuries qui frappent les classes populaires, déjà aussi atteintes par une forte inflation. L'entourage du roi s'inquiète du sort de l'Égypte en cas de victoire des forces de l'Axe. Il est plus ou moins en rapport avec la mouvance islamiste, en particulier les frères musulmans. Le problème est de savoir comment entrer en contact avec les Allemands, parce que les Égyptiens, évidemment, ne veulent pas entrer en contact avec les Italiens. Des diplomates égyptiens, en Turquie et en Iran, ont fait des ouvertures à leur homologue allemand pour connaître les intentions de leur pays en cas de victoire dans le désert. Il leur a été répondu que le seul but poursuivi était chasser les Britanniques du Proche-Orient et qu'il n'y avait pas d'ambition territoriale dans la région. Des demandes de précision supplémentaires échouent à obtenir une garantie d'indépendance complète de l'Égypte. Farouk sait aussi que l'ancien Khédive, déposé en 1914, Abbas Mehmed II, a des contacts avec les Allemands et la peur d'un renversement dynastique en cas d'invasion. La crise commence à l'automne 1941 quand les Britanniques exigent du gouvernement égyptien la rupture des relations diplomatiques avec Vichy. Au grand mécontentement du roi, le gouvernement s'exécute. Le palais encourage en sous-main l'agitation lancée par les frères musulmans et les étudiants d'Al-Azhar contre les diverses pénuries dont la responsabilité est portée exclusivement sur les occupants. Les Britanniques répliquent en exigeant une épuration du palais avec l'exclusion des employés italiens et des pro-allemands notoires. Le gouvernement égyptien démissionne le 2 février 1942 et les Britanniques exigent un gouvernement wafdiste sous la direction de Nahas Pacha. Le roi refuse. Le 4 février, les Britanniques lui adressent un ultimatum qui laisse clairement entendre que s'il ne cède pas, il pourrait être déposé. Le palais royal est entouré de blindés britanniques. Le monarque cède et réussit in extremis à conserver son trône. Pour les nationalistes, en particulier dans l'armée, l'humiliation est grande. C'est un traumatisme complet pour les Égyptiens à la fin du 4 février 1942. Le jeu triangulaire entre le palais, les Britanniques et le WAF se poursuit, avec cette fois l'alliance entre les deux derniers contre le premier. En revanche, le WAF passe un accord avec les frères musulmans qui renoncent à s'opposer au gouvernement du moment, que ce dernier les laisse développer leurs activités. Donc, vous voyez, le WAF avait joué la carte du palais et donc plus ou moins des frères musulmans, mais maintenant il rejoue la carte du WAF. Donc ce sont souvent des opportunités politiques et pas des classements idéologiques qui l'emportent. Le WAFT, déjà connu pour son hostilité résolue à la politique italienne, mettra tout son poids politique à soutenir l'effort de guerre britannique, sans aller jusqu'à déclarer la guerre aux puissances de l'Axe. Nahas Pacha poussera même à une déclaration arabe de soutien des démocraties dans leur guerre contre le nazisme et le fascisme, mais les Britanniques s'y opposeront. Ils ne peuvent pas accepter un précédent d'unité-action des pays arabes et la constitution d'une direction égyptienne d'un bloc d'États arabes. On doit aussi à Nahas Pacha la reconnaissance au bureau de la France libre en Égypte du statut de consulat avec des compétences d'état civil, 8 juin 1942. Grâce au soutien du gouvernement wahhabiste, le Caire devient un centre actif d'action de la France libre au Proche-Orient. Pourtant, en raison des affaires syriennes, De Gaulle voit toujours dans le Waft Naras Pacha un instrument de la perfide Albion, ce qui est un peu ingrat, il faut le dire, de sa part. Au Levant, le conflit est permanent entre Spears et Quatreau. Les Français libres disposent de peu de moyens et les volontaires veulent partir se battre dans le désert occidental plutôt que faire garnison au Levant. Néanmoins, l'infrastructure administrative est progressivement reconstituée. Comme en effet Spears cherche à établir une influence britannique dans un Levant indépendant, les responsables français voient partout l'action occulte d'agents de l'Intelligence Service, paranoïa complotiste qui date de la fin de la Première Guerre mondiale. Quatreau finasse avec les Britanniques, tout en étant persuadé que l'indépendance de la Syrie et du Liban est inévitable, mais De Gaulle, qui se considère comme le gérant des intérêts nationaux et devant rendre à la France un empire colonial intact, refuse jusqu'au dernier moment chaque concession. Les classes politiques syriennes et libanaises ont parfaitement compris ces oppositions et sont prêtes à en jouer pour faire avancer leur propre but. En Syrie, Shoukry el-Kouatli fait ainsi jouer la carte britannique pour amener le bloc national dont il a pris la direction au pouvoir. Il a le soutien de Nouri Saïd et d'Ibn Saoud. Comme il s'est exilé en Arabie Saoudite, la question essentielle est de son retour en Syrie. Les Français tentent de s'y opposer en le présentant comme un agent des puissances de l'Axe, mais les Britanniques multiplient les pressions et finalement Quatreau doit céder en septembre 1942 en permettant le retour inconditionnel du chef du bloc national. Depuis le début de l'année 1942, les Britanniques poussent à des élections qui devraient être libres, c'est-à-dire sans pression d'administration mandataire. Quatreau a beau jeu de retarder l'annonce du fait de la situation militaire dans le désert occidental. À la fin juillet 1942, De Gaulle décide de se rendre au Levant. Il a fait remarquer à Churchill que Spears était la cause des troubles et le Premier ministre lui a répondu que si son émissaire avait beaucoup d'ennemis, il avait un ami, le Premier ministre. À la remarque du Britannique qu'il fallait une vraie indépendance pour les États du Levant, sinon les peuples seraient mécontents, le Français lui a répondu qu'ils étaient aussi heureux que les peuples d'Irak, de Palestine et d'Égypte. Au Caire, le général s'en prend à Richard Casey, successeur de Littleton, l'accusant de vouloir chasser les Français de Syrie et du Liban, et les deux hommes se crient dessus. De Gaulle fait ensuite une tournée des deux pays en ignorant superbement les Britanniques. La tension entre la France libre et les Britanniques a atteint son sommet, mais De Gaulle a réussi à saper les positions de Spears, les responsables de son pays, à l'exception du Premier ministre. Il a ainsi obtenu que les déclarations de Quatreau en 1941 soient considérées non comme la fin du mandat, mais comme le début du processus de la fin du mandat. Alors je sais que vous êtes angoissé par l'avenir. Je sais que vous avez compris qu'après la perte de Tobrouk, l'armée allemande va entrer en Égypte et qu'elle va bientôt prendre position à El Alamein. Mais je vous laisse dans cette angoisse pour la fois suivante. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 5 décembre 2018 l'historien Henri Laurence, les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui la bataille du Moyen-Orient. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. Iconographie web Claire Poinsignon, réalisation Laure-Hélène Planchet, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des crises d'Orient et de la Seconde Guerre mondiale en compagnie d'Henri Laurence. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.